En second lieu, un autre très honorable bourgeois, personnage en vue, qui avait deux belles demoiselles pour filles, se leva et parla de même, disant qu'il accompagnait son compère Eustache de Saint-Pierre. Il s'appelait Sire Gendaire. Après lui se leva le troisième, nommé Sire Jacques de Vissant, personnage riche en meubles et domaines, disant qu'il accompagnerait ses deux cousins. Ainsi firent Pierre de Vissant, son frère, puis le cinquième et le sixième. Et ces six bourgeois se dévêtirent là, dans la halle de Calais, ne conservant que leurs bray et leurs chemises, et ils se mirent la corde au cou, comme les conditions le comportaient. Puis ils prirent les clés de la ville de Calais et du château. Chacun des six en tenait une poignée. Quand ils furent dans cet appareil, messire Jean de Vianne, monté sur une petite hackenée, car il pouvait à grand-peine aller à pied, se mit en tête et prit la direction de la porte. En voyant alors les hommes et leurs femmes et leurs enfants pleurer, se tordre les mains et pousser de grands cris de détresse, il n'est cœur si dur au monde qu'il n'ait été pris de pitié. Ils avancèrent ainsi jusqu'à la porte, escortés de plaintes, de cris et de pleurs.